transport routier en toute sécurité. Les autobus Véro, des gens à contacter. Nous offrons le transport de 48 et 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, votre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-769-1573. Toute l'équipe du groupe Véro, située au 1106 Saint-Christophe à Saint-Félicien, souhaite la meilleure des chances aux Sabres de Roberval et très heureux de commanditer la chronique de l'instructeur-chef Jason Lajeunesse. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres Junior 2A de Roberval. Impliquée dans toutes les communautés de la MRC du Domaine du Roy, la Caisse vous invite à suivre ses nombreuses promotions sur sa page Facebook et à rencontrer ses professionnels pour tous vos projets, peu importe l'ampleur. Bonne saison 2016-2017 aux Sabres Junior 2A de Roberval. On va parler des Sabres de Roberval avec le coach Jason Lajeunesse. Salut Jason. Salut Danny. Jason, défaite en fin de semaine lors du match contre l'équipe de... par une défaite de 5 à 4. Oui, contre les Saguenay de Chicoutimi, là, l'équipe de l'heure là, dans la Ligue JMS Junior 2A. Ils ont 10 victoires là, les 11 derniers matchs. OK. Donc, nous autres, on a perdu 5 à 4 là, vendredi soir, mais vraiment, là, on a connu un fort match. Malgré que, tu sais, après, c'est vraiment là, les 10 premières minutes du match là, qui nous ont fait mal, parce qu'après 10 minutes, on tirait de l'arrière 3-0. Ouais. Donc, on était capable là, de revenir de l'arrière jusqu'à 3-3, là, jusqu'à peut-être 2 minutes et demie de la fin. Là, ils ont scoré un but. Notre gardien de but a donné un mauvais but. Là, il reste à peu près 2 minutes et demie de la fin de la game. Ça a fait okay. 4-3. Ils ont scoré un but tout de suite après. Notre gardien non plus n'était pas été fort. Là. Puis nous autres, on a scoré là, avant la fin du match. Puis on a essayé encore de. Fait qu'en 2 minutes et demie, là, scoré 3 buts. Puis nous autres, on a eu nos chances là, pour égaliser. Pourtant, je regarde la liste des marqueurs que j'ai en avant de moi. Il y a un marqueur qui est cinquième, c'est Yannick Lapointe. Le reste, c'est tous des marqués quasiment. C'est quoi la force de l'équipe? Ouais. Tu me dis que c'est le gardien de but, quoi? Non, je pense pas que c'est le gardien. Je pense que c'est pas mal l'ensemble là, de l'équipe. T'sais, ils ont 4 bonnes lignes là, qui peuvent marquer des buts. Okay. Donc, c'est plus que ça. C'est les deux forces là, sont sur toutes les lignes. Donc, c'est sûr que c'est plus dur là, à contenir comme ça. OK. Mais encore une fois, là, comme je t'ai dit tantôt, là, malgré les 10 premières minutes du match, qu'on n'était pas là pas en tout, on a donné 3 buts, puis c'était 3-0. Après ça, on les a dominés là, du début jusqu'à la fin. C'est juste qu'on n'a pas été capable là, de scorer peut-être le 4e et le 5e but là, pour le faire mal. C'est eux autres qui ont été capables de le faire. OK. Donc là, c'est en fin de semaine, vous affrontez encore une fois les Saguenay-Chicoutimi? Oui, encore les Saguenay, là, mais à Chicoutimi. OK. Est-ce que ça marche un peu junior à Chicoutimi? Il n'a pas marché pendant tout, hein? Le monde? Ben, tu sais, il y a peut-être 125 personnes. OK, puis c'est dans le San Jorge Vézina, c'est ça? Non, c'est au plateau. Là. OK, c'est au plateau à Chicoutimi Nord. Okay. Ouais. Puis vous jouez un autre match aussi en fin de semaine aussi? Non, on joue seulement un match. OK, on joue un match. Okay. Avant le tournoi junior Mario Tremblay. Ben, je voulais en parler justement de ce tournoi-là. C'est quoi tes attentes face à ce tournoi-là? Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'attente. C'est sûr qu'on s'en va là. On est dernier de notre ligue, donc on s'en va là. Ouais. Les yeux fermés, puis il arrivera ce qui arrivera. Je pense que tout le monde va nous prendre à la légère. On va peut-être être capable là, de sortir de notre poule. Ça va être quand même assez dur. Il y a 5 équipes par poule. Ils prennent les deux premiers de chaque poule. Donc, ça va être assez difficile là, de passer. Ça va te prendre un minimum 2 victoires, 1 nul ou 2 ou 3 victoires là, pour passer dans chaque poule. OK. Mais par contre, je regarde ça, puis un tournoi, c'est jamais pareil. Hein? Il s'agit qu'un goaler et autre, je pense qu'on ne peut pas comparer ça à vraiment à une saison de la Ligue. Là. Non, vraiment pas. Là. C'est très différent. C'est ça, c'est sûr et certain. Surtout qu'en plus, on joue pas 3-20 minutes en tournoi, on joue 3-15. Ouais. C'est quasiment une période de moins là, pour nous autres. Donc, ça va peut-être être bénéfique pour nous là, ce tournoi-là. OK. En l'espérant. OK. Ben, on se reparle très très prochainement, Jason. On se parle la semaine prochaine. Yes. Voilà, c'était la chronique des Sabres de Roberval avec Jason Lajeunesse.